Dans un premier temps, je vais te parler de cette descente aux enfers, ce chemin vers la dépendance dont tu ne pourras plus te défaire. Il faut que tu saches car c'est de ta vie dont il est question. Je vais te dire ce qui se passera si tu cèdes à la tentation. On te parlera d'une plante verte ou bien d'une poudre blanche. Et là dans ta tête réflexe, c'est un tilt qui se déclenche. Tu te poses ce genre de questions, qu'est-ce que ça va m'apporter? Tu ne peux plus résister, tu dois satisfaire ta curiosité. Tu testeras petit mais tu ne sentiras pas les effets. Obligé de recommencer pour vraiment voir ce que ça te fait. Et là tu planes plus de soucis une fois arrivé au 7e ciel, tu retentes l'expérience dès que tu veux te voir pousser des ailes. Mais ce n'est qu'une impression, ça vient fausser tes émotions. Croire que les problèmes sont absents est une dangereuse illusion. Pas besoin d'un devin pour prédire les différentes directions. Défoncé dans la rue, tu pourrais être auteur d'une agression. Ou bien tu pourrais prendre le volant et trouver l'accident. Tes thunes pourraient y passer, pourtant tu n'as pas forcément d'argent. Si tu t'enfonces dans les conneries, tes proches pourraient te délaisser. Et bien sûr ta santé, ton corps, ton cerveau, tu pourrais y laisser. À force et fébrile, dès que tu n'as pas la dose dont tu as besoin. Et enfin t'es isolé, ton seul ami, ton rail de coke ou ton joint. Tu es devenu dépendant, c'est trop tard pour apprendre la leçon. T'aurais pu croquer la vie à pleines dents, tu l'as fumé à plein poumon. La drogue, sujet tabou, quelque peu absent dans les médias. Parce qu'il y a ceux qui en parlent mal et ceux qui en parlent pas. Si je ne suis pas le premier MC à faire un son sur la dépendance, je veux casser le tabou, la censure ne parle pas de tendance. Pour critiquer les toxicos, les gens sont plus que bons. Mais pour lutter contre la dépendance, l'État est plus que con. Je dis ok, la drogue est dangereuse, alors je dis luttons. Parce que c'est la descente aux enfers pour les dilettantes. Maintenant laisse-moi rapper. Pour ceux qui ont rien compris, j'affiche le message d'Efseur en featuring, je prends parti. On ne me fera pas croire que le bon vieux vin est bien meilleur qu'un joint. Ce n'est qu'une question de culture, stoppons l'hypocrisie sur ce point. Lyrics vient de le dire, c'est la faiblesse de l'homme qui fait la dépendance. Très bien, mais c'est le système qui introduit l'incohérence. Car si on banalise l'alcool sur l'affichage public, on condamne la vente de shit parce qu'elle est pas chic. Si le cannabis fait des ravages, alcool et tabac en font aussi. Alors je demande pourquoi ne pas légaliser, même si je fais pas l'apologie de ta consommation. Et je ne cherche plus pourquoi elle existe depuis que je sais que les t'assais, qui sont les grossistes. C'est vrai qu'ils savent, mais alors pourquoi n'interviennent-ils pas? Réfléchis un peu, t'achètes ta bœuf et ils encaissent une TVA. Déjà au 18e siècle, la reine anglaise gérait le trafic d'opium. Partout ça pue comme la cam, planqué dans ton rectum. Tu veux te lancer dans ce bise, mais tu vas finir dans les cordes. Car si ça marche pour toi, on t'emprisonne ou ça déborde. C'est plus la France de Vichy, mais l'État kiffe la délation. Il n'y a plus qu'un pas entre une balance et une perquisition. Tu peux plaider le manque d'argent, mais la justice s'en fout. Tu peux crier que t'es innocent, mais tu finis au trou. La drogue, c'est 70% de la population carcérale. Vivre en cage est intéressant, même pas pour un animal. La drogue, sujet tabou, quelque peu absent dans les médias. Parce qu'il y a ceux qui en parlent mal et ceux qui en parlent pas. Si je ne suis pas le premier MC à faire un son sur la dépendance, je veux casser le tabou, la censure ne parle pas de tendance. Pour critiquer les toxicos, les gens sont plus que bons. Mais pour lutter contre la dépendance, l'État est plus que con. Je dis ok, la drogue est dangereuse, alors je dis luttons. Parce que c'est la descente aux enfers pour les dilettantes. Je t'ai parlé des effets, des abus, des conséquences et du danger. Mais si tu sais te contrôler, personne ne pourra te juger. Car à petit dos, ce genre de plaisir ne nuit pas à la sécurité. Si tu apprends à te limiter, tu ne pourras que mieux profiter. Et vas-y kiff, c'est ce que tu veux, ne t'en cache pas. J'ai trop de mépris pour ceux qui font, mais n'assume pas le fait de faire, en l'occurrence de consommer de la merde. Ah ouais t'assumes, bah commence par en parler à ta mère. Pourquoi quand je parle de drogue je lis des préjugés dans vos yeux? Je peux consommer sans être piégé dans ce cercle vicieux. Arrêtez de penser que chaque consommateur doit finir au tribunal. Il ne faut pas toujours croire qu'illégal égale immoral. Alors que l'État est complice de tous ceux qui trafiquent par nécessité. Sans cette complicité, je t'assure que la cam n'arriverait pas dans les cités. Mais bon, on n'y croit pas quand les politiques critiquent le trafic. Leurs beaux discours nous divisent, les résultats sont tragiques. Certains disent que les non-consommateurs sont des ringards des coincés. Et d'autres t'assimilent à une épave si tu te mets à consommer. La diabolisation de la drogue par l'État a créé deux camps opposés qui mènent leurs propos dans l'extrême, on y perd le débat sensé. Alors oui, je prends le micro pour parler d'un sujet tabou. Je sais de quoi je parle pendant un temps. Je voulais toucher à tout, la drogue je l'ai goûtée. Ni j'en suis fier, ni j'en ai honte. Opposé à ceux qui la produisent, aujourd'hui je l'affronte. La drogue, sujet tabou, quelque peu absent dans les médias. Parce qu'il y a ceux qui en parlent mal et ceux qui en parlent pas. Si je ne suis pas le premier MC à faire un son sur la dépendance, je veux casser le tabou, la censure ne parle pas de tendance. Pour critiquer les toxicos, les gens sont plus que bons. Mais pour lutter contre la dépendance, l'État est plus que con. Je dis ok, la drogue est dangereuse, alors je dis luttons. Parce que c'est la descente aux enfers pour les dilettantes. Lyrics, Defseur, Records, révélation, sujet tabou.